بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نواصل دراستنا وقراءتنا في كتاب التجريد التوحيد المفيد سائلين الله المولى أن ينفعنا بهذا العلم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل كما نسأله جل وعلا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وبعد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى فأما من لا يشغله سمع عن سمع وسبقت رحمته غضبه وكتب على نفسه الرحمة فما تصنع الوسائط عنده فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله تعالى فقد ظن به أقبح ظن ومستحيل أن يشرعه لعباده بل ذلك يمتنع في العقول والفطر ثم قال واعلم أن الخضوع والتأله الذي يجعله العبد لتلك الوسائط قبيح في نفسه قال واعلم أن الخضوع والتأله الذي يجعله العبد لتلك الوسائط قبيح في نفسه كما قررناه لا سيما إذا كان المجعول له ذلك عبدا للمالك العظيم الرحيم القريب المجيب مملوكا له كما قال جل وعلا ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيره ولا تصلح لسواي فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدره ولا عظمني حق تعظيمه وبالجملة فما قدر الله حق قدره من عبد معه من ظن أنه يوصل إليه كما قال جل وعلا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا الآية إلى أن قال وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز وقال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فما قدر القوي العزيز حتى قدره من أشرك معه الضعيف الذليل ثم قال واعلم أنك إذا تأملت جميع طوائف الضلال والبدع وجدت أصل ضلالهم راجعا إلى شيئين أحدهما ظنهم بالله ظن السوء والثاني أنهم لم يقدروا الرب حق قدره فلم يقدره حق قدره من ظن أنه لم يرسل رسولا ولا أنزل كتابا بل ترك الخلق سدى وخلقهم عبثا. Donc on va continuer inshallah, on a lu une partie du texte. pour pouvoir avancer un peu. Donc on va continuer toujours sur notre lecture du livre concernant le monothéisme, le tawhid à l'état pur. Et l'auteur alors, dans la dernière assise, on s'est arrêté lorsque l'auteur dit dans son écrit, dans son œuvre, « Wa'lam anna al-khudu'a wa al-ta'alluha alladhi yaj'aluhu al-'abdu li tilka al-wasa'it qabihun fi nafsi. » L'auteur toujours explique que le croyant qui veut adorer véritablement son créateur et son seigneur et lui vouer un culte pur ne peut pas prendre d'intermédiaire entre lui et son créateur. Donc on a appris dans les assises précédentes que le croyant, lui, est semé d'adorer son créateur directement. Il est semé d'adorer son créateur directement et de ne pas prendre des intermédiaires. Que ce soit au niveau de l'invocation, au niveau des prières, au niveau des implorations ou autres adorations. Tant que l'œuvre est considérée comme une adoration, on l'avoue directement au Créateur des cieux et de la terre, sans prendre des associés. On a dit, quels que soient ses associés, quels que soient ses intermédiaires, quels que soient ses intercesseurs, que ce soit des prophètes, des anges, des saints ou autres, détenant un haut rang et degré auprès du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Donc vous avez pu comprendre et remarquer que l'auteur explique cette notion-là et cette règle-là qu'on vient de citer précédemment. Pour mieux comprendre, donc on fait ce rappel-là pour mieux comprendre ensuite ce que va dire l'auteur. Pour cela, regardez ce que dit l'auteur. Il dit « Fa'lam anna al-khudu'a wa al-ta'allu » Al-khudu', il va citer deux choses. Il dit « Sache ». Il va citer donc deux choses. Sache que al-khudu', première chose en arabe, qui est le fait de vénérer, la soumission, la vénération. Wa al-ta'allu, c'est le fait de prendre comme divinité, adorer. Alladhi yaj'aluhu al-'abdu li tilka al-wasa'it qabihun fi nafsi. Vous avez ces deux choses citées. Les deux termes en arabe qui sont cités, c'est al-khudu' wa at-ta'allu. At-ta'allu. Donc on a d'une part la vénération, en quelque sorte la soumission, et le deuxième terme, c'est le fait de prendre comme ilah, at-ta'allu. Le fait de prendre un adoré, une divinité. Le seul qu'on peut prendre comme adoré dans notre religion, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, notre créateur. Ces deux choses que l'auteur cite, al-khudu' wa ta'allu, il nous dit, sache que si le serviteur met cela auprès d'un autre qu'Allah, et il sous-entend l'intermédiaire, auprès de l'intercesseur, de l'intermédiaire, pourquoi ? Parce que comme on l'a cité dans des assises précédentes, beaucoup dans notre communauté pensent que pour être élevé auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et adorer Allah, ils font un intercesseur, ils font un intermédiaire. Et donc, ils implorent cet intermédiaire pour que celui-ci nous élève auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Or, religieusement, cela est interdit. Et ça fait partie des plus grands péchés en réalité. Pourquoi ? Parce qu'on a dit dans ce qui a précédé, Allah n'est pas comparable au roi terrien ou terrestre. Les rois sur terre, eux, ils ont besoin de, on a dit, de conseillers. Ils ont besoin de fonctionnaires ou autres. Mais lui, Allah subhanahu wa ta'ala, est seul et unique. Il n'a besoin de personne, subhanahu wa ta'ala, pour connaître la situation de ses serviteurs, pour connaître la situation de ses créatures. Allah n'a besoin de personne, subhanahu wa ta'ala, ni pour entendre, ni pour exaucer, ni pour répondre, subhanahu wa ta'ala. Donc regardez, l'auteur dit, celui qui met ces deux choses, al-khudu', la vénération, la soumission, et le fait de prendre comme divinité, il met cela, al-abd, le serviteur, auprès d'un intermédiaire, qabihun linafsi. C'est quelque chose en soi qui est vil. C'est quelque chose en soi, le fait de faire ça, il dit, qui est vil, il dit, comme on l'a appris étudié dans ce qui a précédé. Il dit La siyama idha kana al-maj'ul lahu dhalika 'abdan lil-malik al-'azim ar-rahim al-qarib al-mujib. Surtout si ce serviteur que l'individu prend comme intermédiaire lui-même est serviteur du roi, du souverain absolu qui est Allah subhanahu wa ta'ala et serviteur de al-'azim, le majestueux, al-rahim, le clément, al-qarib, al-mujib. Mamloukan lahu. Si celui qu'il prenne comme intermédiaire lui-même est soumis et créature du créateur, alors pourquoi invoquer cette créature et pas invoquer directement le créateur? Qala. Pour cela, il va mentionner un passage dans le Coran, le verset 28 de la sourate Ar-Rum. De la sourate Ar-Rum. C'est la sourate qui est appelée la sourate des Romains. Où Allah dit Daraba lakum mathalan min anfusikum. Allah va donner en parabole un exemple. Un exemple de vos personnes. Ou en vos personnes. Hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka'a fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa. Regardez cette parabole, cet exemple qu'Allah va donner en s'adressant à ses créatures. Regardez ce qu'il dit. Hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka. Il dit en s'adressant aux gens, est-ce que dans ce que vous possédez, vous savez à l'époque de la descente du Coran, à l'époque des polythéistes arabes, le peuple du prophète, vous savez, il y avait cette notion d'esclavage. Donc il y avait des gens qui étaient esclaves. Donc l'esclave était présent à l'époque. C'était quelque chose de réel à l'époque, l'esclavage. Et donc, il y en a qui étaient sujets esclaves d'autres personnes. Et ces autres personnes, on les appelait leurs maîtres. Leurs maîtres. Alors là, en s'adressant à eux, il dit, est-ce que en ce que vous possédez, s'adresse au maître, est-ce que dans ce que vous possédez comme esclave, هل لكم مما ملكت أو مما ملكت أيمانكم من شركاء؟ Est-ce que vous avez des associés? Il leur dit. Est-ce que vous avez des associés? فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. C'est-à-dire vous et vos esclaves. Est-ce que vous êtes associés dans ce que je vous ai pourvoyé ou octroyé comme bien? Vous savez à l'époque ceux qui étaient maîtres. Leurs esclaves étaient leurs sujets, donc ils devaient travailler pour eux. Ils devaient travailler pour eux. En aucun cas, ce qu'ils possédaient, ils le partageaient avec leur esclave. Sahulala. En aucun cas, ils le partageaient avec leur esclave. Allah leur dit, est-ce que ce qu'on vous a octroyé comme bien, est-ce que vous avez des shuraka, des associés? Il dit cela à ces gens. Est-ce que vous avez des associés de ce qu'on vous a donné comme bien? La réponse, bien sûr, et non. Alors Allah Azza wa Jal leur dit Takhafunahum kakhifatikum anfusakum. Et donc, pourquoi Allah Azza wa Jal leur donne ce mithal? Si eux, dans ce qu'Allah Azza wa Jal leur a octroyé. Et donc, on voit qu'il y a une preuve que c'est Allah Azza wa Jal qui leur a octroyé tout ce qu'ils possédaient. Si eux n'ont pas d'associés dans ce qu'ils possèdent, pourquoi donnent-ils des associés à Allah subhanahu wa ta'ala au Créateur? Vous avez vu la parabole, l'exemple que le Créateur donne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris? Vous avez tous compris? Pour qu'on puisse continuer, vous avez tous compris? Taïb. قال أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه أو شريكه في رزقه فكيف تجعلون لي من عبيد شركاء فيما أنا منفرد به وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيره ولا تصلح لسواي. Alors si eux déjà dans ce qu'ils possèdent ils n'ont pas d'associés, ils ne prennent pas leurs esclaves comme associés, alors Allah Azza wa Jal, c'est comme s'il leur dit, pourquoi alors au Créateur vous lui assignez des associés parmi ses serviteurs et ses créatures dans une chose qui n'appartient que lui, entre autres Al-Uluhiyya. Al-Uluhiyya, le fait qu'il ait la vraie divinité Allah subhanahu wa ta'ala, le vrai adoré, celui qui est digne d'adoration. Pourquoi? Parce qu'il est le créateur de cet univers et de ce monde. Donc c'est lui qui est digne de cette adoration. Donc le musulman, la musulmane, les croyants, lorsqu'ils adorent leur créateur, ils ne prennent pas d'intermédiaire. Ils invoquent directement leur créateur. Ni prophète, ni ange, ni autre, ni saint, ni awliya, personne. Ils invoquent directement le créateur. Qala, faman zarma dhalika fama qadarani haqqa qadri. Fama qadarani haqqa qadri. Donc là, qu'est-ce qui se passe? L'auteur nous dit que c'est comme si Allah Azzawajal leur dit, donc celui qui lui assigne des associés au créateur, et qui pour le créateur, donc, prend des intermédiaires, donc assigne des associés au créateur, alors il n'a pas estimé le créateur à sa juste valeur. Il n'a pas estimé le créateur à sa juste valeur. وَلَا عَظَّمَنِي حَقَّ تَعْظِيمِ. Et c'est comme si Allah Azza wa Jalla dit, il ne m'a pas estimé à ma juste valeur et il ne m'a pas vénéré comme il devait me vénérer. وَبِلْ جُمْلَةِ فَمَا قَدَرَ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ مَنْ عَبَدَ مَعَهُ مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُوصِلُ إِلَيْهِ. Et donc globalement l'auteur dit, n'a pas estimé Allah à sa juste valeur celui qui adore en dehors de lui autre que lui, en pensant que celui-ci le fera parvenir à Allah, au Créateur subhanahu wa ta'ala, ou sera la cause pour son élévation en degré auprès du Créateur. Celui qui pense cela n'a pas estimé le Créateur à sa juste valeur. Pour cela, dans un verset, regardez, dans le verset 73 de la sourate Le Pèlerinage, dans la sourate Le Pèlerinage, Allah dit, « Ya ayyuhan nas » ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. Dans ce verset qu'on vient de citer, 73 à Sourate Al-Hajj, Allah dit, ô vous les gens, il s'adresse aux gens en leur disant, ô vous les gens, ضرب مثل فاستمعوا له. Il vous a été donné comme parabole ou exemple, écoutez. Allah dit, فاستمعوا له. Écoutez cette parabole, cet exemple. Inna alladhina tad'una min dunillah. Certes, ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne pourraient même pas créer ne serait-ce une mouche. Wa law ijtama'u la. Et même s'ils se rassemblaient tous. Regardez, Allah Azza wa Jalla donne en exemple, en parabole, ici, que ceux que vous adorez, il s'adresse aux polythéistes arabes de l'époque, en leur disant, ce que vous adorez en dehors du Créateur ne pourrait même pas créer une, ne serait-ce une mouche. Même s'ils se rassemblaient, c'est-à-dire que tous les humains, même s'ils se rassemblaient, le monde des humains, le monde des djinns, toutes les créatures, même s'ils se rassemblaient, ils ne pourraient créer ne serait-ce une mouche. Et l'exemple en parabole qui est donné ici, c'est un petit insecte. Quel est le cas alors de la création des cieux, de la création de la terre ou des terres, des océans, des mers, des créatures, des animaux marins, terrestres. Donc le créateur de ce monde, de ces créatures, c'est lui qui mérite donc l'adoration. Subhanahu wa ta'ala. Et à l'époque, lorsqu'on... Donc vous avez vu, l'auteur là a cité deux versets. À l'époque, il est rapporté que les polythéistes arabes, lorsqu'ils faisaient le pèlerinage, vous avez vu, nous, lorsque on fait le pèlerinage, on a une formule qu'on répète en faisant le pèlerinage qui s'appelle At-Talbiya. Lorsqu'on est en état de sacralité, on dit Labbayk Allahumma Labbayk, Labbayk la sharika lak Labbayk, Innal hamda wa ni'mata lak wal mulk, La sharika lak. On dit cela lorsqu'on est en état de sacralité. C'est-à-dire que le pèlerin, lorsqu'il arrive à proximité ou bien au miqat, le miqat c'est la station, c'est l'endroit où que le pèlerin doit se mettre en état de sacralité. pour ceux déjà qui ont visité la Mecque, qui ont déjà fait le pèlerinage, ou bien une omra, un petit pèlerinage, vous avez vu, lorsque vous arrivez au miqat, le miqat c'est l'endroit où le pèlerin va se mettre en état de sacralité. C'est là qu'on met les deux pagnes, le pagne inférieur et supérieur, le vêtement du pèlerin, après avoir fait une douche, et ensuite, on va rentrer en état de sacralité, on appelle ça ihram, en état d'ihram, lorsqu'on va prononcer l'intention. Pour celui, par exemple, qui va faire un petit pèlerinage, une umrah, il va dire la baykallahumma bi umrah, par exemple. Par exemple. À partir du moment qu'il prononce l'intention, il est rentré en état de sacralité. Il est muhrim. Lorsqu'on dit qu'il est rentré en état de sacralité, maintenant, il y a des choses qui lui sont interdites, qu'il n'a pas droit de faire pendant qu'il est en état de sacralité, jusqu'à ce qu'il termine son pèlerinage. Ou bien sa umrah, si c'est une umrah, un petit pèlerinage qu'il est en train de faire. Donc jusqu'à ce qu'il termine. Donc il y a des choses qu'il n'aura pas droit de faire en état de sacralité. Il n'aura pas droit de se couvrir la tête, de se couper les cheveux, de se couper les ongles, par exemple. Ça, ça fait partie de certaines interdictions. Alors, à ce moment-là, c'est là qu'il est dit que si, par exemple, les gens sont à Médine, et donc ils vont faire leur ihram, se mettre en état de sacralité, alors qu'ils viennent de Médine, ils vont s'arrêter au miqat qu'on appelle Dhul Hulayfa. À partir du moment qu'ils se mettent en état de sacralité, ils vont commencer à dire « Labbayk Allahumma labbayk, labbayk ala sharika laka labbayk, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. » Et ça, on répète cela jusqu'à arriver à la Mecque. Jusqu'à ce qu'on arrive à la Mecque. Et eux, il nous est rapporté qu'à l'époque du prophète, en salam, eux, les polythéistes arabes, faisaient le pèlerinage aussi. Ils accomplissaient les rites du pèlerinage, mais avec une manière à eux. Manière à eux. Et parmi les choses qu'ils faisaient, كانوا المشركون يلبون إذا أحرموا بالحج وبالعمرة وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. Et eux, dans leur talbiya, regardez ce qu'ils disaient à l'époque. Il disait « Labbayk la sharika lak bayk »« Labbayk la sharika lak » Labbayk, lorsqu'on dit cela, c'est dire « Nous venons à toi, ô Seigneur. »« Vers toi, nous venons à toi. » Et donc, il disait « Labbayk la sharika lak » Jusque-là, c'est bon. « Nous venons à toi, la sharika lak » Et ils disent « Allah, tu n'as point d'associé. » Jusqu'à ce qu'ils disent « Illa sharikan huwa lak. Illa sharikan huwa lak. Sauf un associé qui t'appartient. Sauf un associé qui t'appartient. » Regardez, déjà dans leur talbiya, pour faire le pèlerinage, ils attribuent, ils assignent des associés au créateur. Dans la formule, il y a du shirk. Regardez, la baykala sharika lak. Ils disent, Seigneur, nous venons à toi. Toi qui n'as point d'associé, si ce n'est un associé qui t'appartient. Donc il lui attribue un shalik. Il lui attribue un associé. Tamlikou wama malak. Un associé que tu possèdes. Un associé que tu possèdes qui est sous ta possession. Donc il lui a signé, il lui a attribué des associés. Falabba an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bit-tawhid. Alors lui, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui faisait la vraie talbiya. C'est là que lui, le prophète, scandait et disait labbayk allahumma labbayk, labbayk la sharika lak labbayk, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait cette talbiya. Fanafa ash-shirk 'an Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le prophète ensuite a réfuté leur polythéisme et a répondu à leur shirk et a annulé cela. Et le prophète ensuite a aboli cette parole et annulé cette parole que les polythéistes arabes à l'époque disaient et scandaient lorsqu'ils allaient faire le pèlerinage. Et donc, le prophète a rétabli at-tawhid, le monothéisme, en disant labbaik Allahumma labbaik, nous venons à toi au Seigneur, nous venons à toi, la sharika lak. Et le prophète disait, toi qui n'as point d'associé, la sharika lak, labbaik. Inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. Le prophète disait, les louanges et les bienfaits t'appartiennent, ainsi que le mulk, ainsi que la royauté, la sharika lak, sans que tu aies d'associé. Allah est seul et unique. Donc celui qui pense que pour adorer Allah Azza wa Jal, il faut prendre des intermédiaires parmi les prophètes ou les messagers, ou parmi des saints, ou parmi des anges, ou parmi des djinns, ou autres, il a eu une mauvaise pensée envers le Créateur. Il n'a pas estimé son Créateur à sa juste valeur. Il n'a pas estimé son Créateur à sa juste valeur. Car celui qui connaît son Créateur, il sait qu'Allah est proche. Il sait qu'Allah entend tout. Et Allah voit tout. Et connaît toutes les situations. Et que rien ne lui échappe à notre Créateur. Il connaît notre situation. Il connaît vos difficultés. Il connaît vos angoisses. Il connaît vos problèmes, vos soucis. Et si vous l'implorez, Allah Azza wa Jal répond à vos demandes. Et Allah est celui qui soulagera votre situation. Subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. فما قدر القوي العزيز حق قدر من اشرك معه الضعيف الذليل. Et donc c'est pour cela que en réalité ce qu'ils ont pris comme intermédiaire entre eux et leur créateur, par exemple à l'époque les polythéistes arabes prenaient des asnam, des statues comme intermédiaire entre eux et le créateur, entre eux et le créateur, ces statues qu'ils ont pris, et comme aujourd'hui beaucoup prennent des défunts, ce qu'ils appellent l'awliya, comme intermédiaire entre eux et le Créateur. En réalité, ils ont associé un être faible à Allah subhanahu wa ta'ala, le maître des cieux, le souverain de l'univers, ils lui ont assigné, attribué un associé faible, ضعيف, insignifiant. Et donc, de ce fait, ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur dit « وَعْلَمْ أَنَّكَ إِذَا تَأَمَّلْتَ جَمِيعَ طَوَائِفِ الضَّلَالِ وَالْبِدَعِ وَجَدْتَ أَصْلَ ضَلَالِهِمْ رَاجِعًا إِلَى شَيْئَيْنَ. » Et c'est pour ça que l'auteur ensuite, d'une très belle faïda, il dit « Et si toi maintenant tu observes les différentes doctrines, les fausses doctrines qui sont apparues et qui ont émergé dans le monde, et les innovations aussi qui ont émergé et qui sont apparues, tu verras que la base de leur dérive est liée à deux choses. Tu verras que la base de leur dérive est liée à deux choses. Et dit Ahadihima dhannuhum billahi dhanna as-su. La première chose, c'est la mauvaise pensée, le mauvais préjugé qu'ils ont eu envers le Créateur. C'est ce qu'on a parlé dans la six précédente. Et dit وثاني أنهم لم يقدروا الرب حق قدري. Et deuxièmement, c'est ce qu'on vient d'évoquer, la deuxième cause, c'est qu'ils n'ont pas estimé le Créateur à sa juste valeur. C'est les deux grandes causes, l'origine de l'émergence de l'apparition de fausses doctrines et de dérives. L'origine à cela, deux points importants. Il dit la mauvaise pensée, conjecture envers le Créateur. Et deuxièmement, ils ne l'ont pas estimé à sa juste valeur. Qala, il dit l'auteur ensuite. Falam yaqduru haqqa qadri man dhanna annahu lam yursil rasulan wala anzala kitaban bal taraka al khalqa suda wa khalaqahum abathan. L'auteur dit une très belle parole. Il dit premièrement, ne l'ont pas, il va citer différents exemples de pensées qui sont sous-entendues dans le fait de ne pas avoir estimé le Créateur à sa juste valeur. il va citer différentes pensées concernant des exemples au fait de ne pas avoir estimé le Créateur à sa juste valeur. وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِ. Vous savez que ça, c'est un verset. C'est un passage du Coran. C'est Allah qui dit cela dans le Coran. Par exemple, on a cité, l'auteur a cité un verset lorsqu'il dit وَقَالَ تَعَالَى وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبُضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. C'est dans un verset, dans la sourate Zumar, le verset 67, que Allah dit « Et ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur ». C'est un passage du Coran. Et dans d'autres versets aussi. Dans ce verset, Allah dit « Et ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur ». وَالْأَرْضُ جَمِيعًا. Et Allah dit « Toute la terre ». وَالْأَرْضُ جَمِيعًا. Toute la terre. قَبُضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Le jour de la rétribution, il n'en fera qu'une poignée. C'est un verset, donc vous pouvez vous y référer au verset, on a dit, 67 de la sourate Az-Zumar. Entre autres, la sourate Az-Zumar est appelée, elle est nommée la sourate du Tawhid. La sourate du Tawhid par certains grands théologiens. Tellement, dans cette sourate, ça parle justement de l'unicité, du Tawhid, du droit, du Créateur. Regardez dans ce verset, dans le passage 67, dans ce verset, Allah dit « Et n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur, et toute la terre, Allah n'en fera qu'une poignée le jour de la rétribution. » Et Allah dit « Et les cieux seront pliés dans sa main droite. » Et les cieux, Allah Azza wa Jal nous dit « وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِ. » Les cieux de sa main droite, ils seront pliés. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Exalté soit-il le Très-Haut de ce qu'il lui assigne et attribue comme associé. Traduction relative du verset 67 de la sourate Az-Zumar à vous y référer. L'auteur dit, donc celui qui pense, donc vous avez vu, ils n'ont pas estimé Allah sa juste valeur, c'est un passage et c'est un verset dans le Coran. Et dit par exemple, fait partie de ne pas avoir estimé le Créateur à sa juste valeur, celui qui pense que, man dhanna annahu lam yursil rasulan, celui qui pense que le Créateur n'a pas envoyé de messager, de prophète, wala anzala kitaban, et qu'il n'aurait pas fait descendre des livres, بَلْ تَرَكَ الْخَلْقَ سُودًا, et qu'il aurait laissé les créatures comme cela, sans objectif, sans but. Ils errent sur terre, dans cet univers, sans qu'il y ait un but, un objectif à la création. Et donc, que les hommes auraient été créés en vain. L'auteur explique que cette pensée-là, c'est ne pas avoir estimé le Créateur à sa juste valeur. Voilà. قدر الله حق قدري من نفع عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعتهم ومعاصيهم وأخرجها عن خلقه وقدرته ولا قدر الله حق قدري الضاد هؤلاء الذين قالوا إنه يعاقب عبده على من لم يفعله بل يعاقبه على فعله سبحانه وإذا استحال في العقول أن يجبر السيد عبده وإذا استحال في العقول أن يجبر السيد عبده على فعل ثم يعاقبه عليه فكيف يصدر هذا من أعدل العادلين وقول هؤلاء أشر من قول المجوس القدرية الأذلين وَلَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِ وَلَا قَدَرُهُ حَقَّ قَدْرِ مَنْ نَفَى رَحْمَتِهِ وَرِضَهُ وَمَحَبَّتِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِ مَنْ نَفَى رَحْمَتَهُ وَرِضَهُ وَمَحَبَّتَهُ وَغَضَبَهُ وَحِكْمَتَهُ مُتْلَقًا وَحَقِيقَةَ فِعْلِهِ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ فِعْلًا اِخْتِيَارِيًّا. بل أفعاله مفعولات منفصلة عنه. قال المصنف إذن وما قدر الله حق قدري ولا قدره حق قدري من نفع عموم قدرته وتعلقها بأفعال عبيده بأفعال عباده من طاعتهم ومعاصيهم وأخرج عن خلقه وقدرته. هذا بمعنى من نفع عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعاتهم ومعاصيهم هذا في القدرية، هذا في القدرية الذين غلوا في إثبات قدرة العبد، في إثبات قدرة العبد وجعلوه يخلق فعل نفسه. هذه عقيدة القدرية، جعلوه يعني جعلوا الإنسان يخلق فعل نفسه، وأن الله لم يريد ولم يقدر فعله، وإنما هو الذي أراده باستقلال وفعله باستقلال، مع أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم الله خالق كل شيء. وهم يقولون العبد يخلق فعل نفسه، فجعلوا خالقين أو خالقين مع الله سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره، هذا في القدرية من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد ولا أرادها، هم الذين أرادوها وهم الذين أوجدوها استقلالا، فجعلوا الله عاجزا وجعلوا له شركاء في الخلق، وتعالى عما تعالى الله عن ذلك. وهذا قول المعتزلة ومن مشى في ركابهم من نفاة القدر. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Et on continuera inshallah dans la prochaine assise. On traduira, on a essayé d'avancer un peu. On traduira inshallah ce passage dans la prochaine assise inshallah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad.